Nous sommes en compagnie de Sylvain Chatty, maître de conférence à l'Université Paris 7 et astrophysicien au CEA. C'est un drôle de paysage que vous nous décrivez où deux astres, en tout cas un astre dit compact, extrêmement dense, et une étoile compagnon tournent l'un autour de l'autre, peut-être, en tout cas en interaction. Le premier gobe une de la matière du second. Laquelle matière a tendance à tomber sur l'astre le plus compact? C'est un processus qui intéresse les physiciens depuis quelques années parce que il se passe quand même de drôles de choses quand la matière tombe sur l'astre compact. En particulier, on voit des éruptions, ce que vous appelez des jets. Qu'est-ce que c'est ? Alors évidemment, ça paraît un petit peu paradoxal parce qu'on parle d'objets compacts comme des trous noirs et on voit partir de ces objets-là des jets. Donc s'il y a des jets, c'est qu'il y a de la matière qui a été éjectée. Et cette matière qui a été éjectée, elle est bien éjectée d'un endroit très proche du trou noir, en fait. Évidemment, elle ne va pas partir de l'intérieur du trou noir, puisque... Ça ne concerne que les trous noirs. Ah non, on les voit aussi sur les étoiles à neutrons. D'accord. Mais en fait, les premiers objets dont on a vu partir des jets, c'était des trous noirs. Et donc là, on s'est demandé d'où venait la matière. Évidemment, la matière ne peut pas provenir du trou noir lui-même, de l'intérieur du trou noir, parce que là, vous ne pouvez pas vous échapper d'un trou noir. Donc ça veut dire que c'est de la matière qui provient de... très près de la surface de l'objet compact. Donc maintenant, qu'il soit étoile à neutrons ou trou noir, on va avoir en fait à peu près les mêmes phénomènes. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là ? Donc on voit, faut imaginer, hein, vous avez une étoile compagnon, à côté vous avez l'objet compact, étoile à neutrons ou trou noir, et la matière de l'étoile compagnon, elle est attirée par l'objet compact, elle tourne autour, elle forme ce disque d'accrétion, et à un certain moment, lorsque la matière est proche de l'objet compact, il y a des processus qui sont encore très très mal expliqués par les théories. Il y a plusieurs modèles. La plupart des modèles faisant intervenir du champ magnétique. Donc du coup, on a des modèles magnéto-hydrodynamiques, puisqu'en gros, c'est de la mécanique des fluides, mais avec du champ magnétique. Et donc ces modèles-là montrent qu'on peut accélérer la matière qui est en passe d'être accrétée par l'objet compact et l'envoyer à des vitesses vertigineuses, hein, qui peuvent atteindre des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Cela en un temps très très court, et après cette matière là qui a été éjectée, elle va partir sur des distances très très grandes qui peuvent atteindre plusieurs années-lumière pour ces objets compacts dont on parle maintenant, étoiles à neutrons ou trous noirs. C'est une fontaine avec une puissance incroyable. C'est une fontaine avec une puissance incroyable, et c'est tellement fort qu'après on peut voir des collisions entre cette matière qui a été éjectée et le milieu interstellaire, c'est-à-dire la matière qui se trouve dans l'espace, dans notre galaxie. Et donc une onde de choc. Tout à fait, on a des ondes de choc qui se propagent dans le milieu interstellaire. Alors à vrai dire, ce n'était pas la première fois qu'on voyait ce genre de phénomène dans l'univers. On en avait déjà vu, mais à des échelles beaucoup plus grandes, dans ce qu'on appelle les quasars. Alors les quasars, ce sont ces galaxies actives dont le trou noir central fait plusieurs millions, à même plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Ça, c'est des objets qui ont été détectés dans les années 60, hein, donc il y a un trou noir qui est énorme, qu'on appelle un trou noir supermassif. Le trou noir supermassif, cette fois-ci, attire la matière des étoiles qui se trouvent autour, et perpendiculairement à ce disque d'accrétion, on voit aussi des jets qui sont donc accélérés et qui vont parcourir des distances énormes qui peuvent atteindre plusieurs milliers à même plusieurs millions d'années-lumière. Donc des distances vraiment énormes pour ces trous noirs-là. Ce sont des galaxies lointaines, donc primordiales. Voilà, alors ce sont des galaxies lointaines, plus ou moins lointaines en fait, dans lesquelles on voit ces objets-là. Ce qu'on a tendance à voir, c'est que plus la galaxie est lointaine, plus elle tend à être active, c'est-à-dire plus elle tend à avoir un trou noir très supermassif, donc très massif, et à éjecter la matière sur des distances très grandes. Cela dit, des jets, on en voit sur plein de galaxies, et même sur des galaxies qui sont pas si loin que ça, hein, dans l'amas de la Vierge, par exemple, hein, à quelques dizaines de millions d'années-lumière, on voit des galaxies qui présentent ces phénomènes-là. Et ces fameux quasars correspondent toujours à des trous noirs massifs, ou en tout cas supermassifs, à l'intérieur de ces galaxies, hein. Ça occupe vraiment le centre. Voilà, c'est-à-dire que si on a des phénomènes d'éjection on a la signature qu'il y a un trou noir. Après, on peut essayer de voir avec en particulier la courbe de luminosité de la galaxie, c'est-à-dire en fonction de la masse qui se trouve dans la galaxie, on peut essayer de voir quelle est la masse qui se trouve à l'intérieur, au centre de la galaxie. Et là, on voit qu'il y a un gros trou noir. Alors, est-ce que ça veut dire que ce que vous observez dans les systèmes doubles, avec donc un objet compact et une étoile compagnon, et DG, donc... très, très énergétique et rapide, finalement c'est à une petite échelle ce que l'on observe à l'échelle d'une galaxie et d'un quasar, c'est-à-dire qu'on aurait là affaire à un micro-quasar. Ben, c'est exactement ça, d'ailleurs on les appelle micro-quasars, ces objets-là. On les appelle micro-quasars. Alors il y a eu plusieurs thèmes qui ont été donnés à ces objets qu'on trouve dans notre galaxie, donc ce qu'on appelle des petits trous noirs. En fait, on les appelle trous noirs stellaires, ces objets-là. Ou étoiles à neutrons, mais étoiles à neutrons, on ne peut pas en avoir de grosses, donc là il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc ce sont des micro-quasars, micro c'est 10⁻⁶, donc un millionième, et c'est exactement les échelles de masse et de longueur qu'on voit sur ces objets-là. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, un micro-quasar, un trou noir qui fait une masse de quelques masses solaires, pour un trou noir supermassif, c'est quelques millions de fois la masse du Soleil. Les échelles de longueur des jets, pour un trou noir dans la galaxie, c'est quelques années-lumière, pour un trou noir qui se trouve au centre d'une galaxie, c'est quelques millions de fois une année-lumière. Proportionnel à la masse, donc. Non seulement c'est proportionnel à la masse, mais en plus, on voit vraiment un rapport d'échelle entre les micro-quasars et les quasars. Et en effet, c'est proportionnel à la masse, et ça, c'est dû au fait, principalement, que les phénomènes qui se produisent très proches du trou noir sont proportionnels à la masse dans le sens où les échelles de temps vont être proportionnelles à la masse du trou noir. Alors, certains jets sont orientés dans notre direction. Ça fait qu'on les voit différemment, on les étudie aussi différemment. Voilà, alors pour les trous noirs qui se trouvent au centre des galaxies, quand on a un jet qui vient dans nos directions, on appelle ça un blazar. Alors évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des micro-blazars? La réponse est qu'il devrait. Il y a des micro-blazars. Merci. La réponse est qu'il devrait y en avoir, mais on n'en a jamais encore vu. Il y a peut-être certaines sources, certains objets, certains astres pour lesquels on peut penser que ce sont des micro-blazars, mais il n'y a rien de certain. Donc on les cherche. Mais alors c'est très intéressant quand on a un blazar ou si on avait un micro-blazar, parce que du coup, on a le rayonnement de ce jet. Donc, qui nous vient directement vers nous dans notre direction. Et du coup, ça nous fait des rayonnements qui sont plus énergétiques et qui en plus varient plus vite. Ça, c'est principalement un effet Doppler relativiste qui fait ça. Ce qui veut dire qu'on a vraiment des variations caractéristiques, et quand on voit ces variations très rapides et très énergétiques, on peut dire bah, ça, c'est un blazar. C'est-à-dire qu'on a un jet qui nous vient vers nous. Et là, on voit quasiment que le jet. C'est-à-dire qu'on ne voit quasiment pas la galaxie qui est au centre et qui, en fait, a en son cœur un trou noir qui permet de faire ces éjections-là. Alors, on imagine que quand les astrophysiciens découvrent dans le ciel une machine à accélérer avec une telle puissance des particules, on regarde avec attention si ça ne peut pas être la source du rayonnement cosmique qui nous arrive de partout à des très très grandes vitesses. On est toujours à la recherche de ces accélérateurs géants. Est-ce que c'est dans les étoiles et dans ce type d'étoiles doubles, en tout cas étoiles avec, on le disait bien, donc un étoile compagnon et puis un corps massif, ou dans les galaxies quasars, que sont les sources en fait des accélérateurs de particules? En fait, c'est une très bonne question. Malheureusement, on n'a pas encore la réponse. En fait, ces objets-là sont, pour nous, astrophysiciens, les meilleurs laboratoires de physique relativiste. C'est-à-dire que on ne pourra jamais sur Terre construire des laboratoires qui accélèrent avec cette énergie-là les particules, que ce soit électrons, positrons, peut-être même protons. Dans certains objets, on voit qu'il y a des protons qui sont accélérés, donc qui sont quand même 2000 fois plus lourds que les électrons, donc c'est plus dur de les accélérer, mais on voit qu'il y a des protons qui sont accélérés à des vitesses relativistes qui peuvent atteindre quasiment la vitesse de la lumière. Alors évidemment, ce sont des objets, surtout les quasars d'ailleurs, sont des objets qui ont été vus comme des sources possibles d'accélération permettant de créer ce rayonnement cosmique qu'on détecte sur Terre. Malheureusement, quand on fait les calculs, même en tirant au maximum sur les paramètres, on se rend compte que ce que ça pourrait créer comme rayonnement cosmique est plutôt faible par rapport à ce qu'on voit. Alors ça, c'est encore plus vrai pour les microquasars. C'est-à-dire que les microquasars, ça n'atteindrait même pas 1% de l'ensemble du rayonnement cosmique, même en tirant les paramètres au maximum. Vous vous intéressez-vous à ces objets dans la galaxie ? Est-ce qu'il y a une grande population de microquasars dans la galaxie ? Alors, dans notre galaxie, on a à peu près une vingtaine d'objets pour lesquels on sait, on est sûr qu'il y a des jets. Et donc, ce sont des microquasars. Cela dit, on pense que dès que les conditions de masse et de distance entre les deux objets sont remplies, c'est-à-dire dès que les conditions pour qu'il y ait attraction de matière sont remplies, ce qu'on appelle, c'est lié à la géométrie de roche, en fait. Dès qu'on a ces conditions qui sont remplies, on peut avoir une accrétion de matière et donc une éjection de matière. Donc en fait, ce qu'on pense, c'est que la plupart des systèmes binaires sont des microquasars. Alors en fait, il faut faire une petite distinction là, parce que il y a certains systèmes binaires pour lesquels il y a accrétion de matière, mais pour lesquels il n'y a pas création de jets. Ce sont des systèmes dans lesquels il y a une accrétion qui n'ont pas sous forme de disque d'accrétion, mais sous forme de vent. Et à ce moment-là, on a une accrétion qu'on appelle sphérique, c'est-à-dire que toute la matière tombe en même temps partout sur l'objet compact. Et à ce moment-là, comme on ne crée pas de disque d'accrétion, on n'arrive pas à accélérer de la matière pour créer des jets. C'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Hein. On se rend compte que les objets stellaires et cosmiques dans leur ensemble, à chaque fois qu'on s'intéresse à un, il a une particularité que n'ont pas les autres. C'est comme des individus dans la foule. Hein. On est une foule humaine, mais chaque individu a sa spécificité. Tout à fait. C'est vraiment un zoo. Et en fait, tous ces objets-là sont différents les uns des autres, sont uniques, parce qu'ils ont des masses qui sont différentes, des distances qui sont différentes, ils ont une accrétion qui peut être différente, il y a des champs magnétiques qui sont plus ou moins forts sur les étoiles à neutrons qui nous donnent des phénomènes différents. Il y a une source qui présente un objet, on appelle ça une source en astronomie, c'est pour ça que je dis souvent ça, un objet, je devrais dire un astre, qui présente des caractéristiques assez spéciales parce qu'on voit des jets qui ne s'arrêtent quasiment pas depuis plus d'une quinzaine d'années, donc depuis qu'on l'a découvert. Eh bien, cet objet-là, on s'est rendu compte peu à peu, après pas mal d'études, que c'est l'objet qui a le disque d'accrétion le plus gros. C'est-à-dire qu'elle est assez loin de son étoile compagnon, ce qui veut dire que la matière peut s'accumuler dans ces disques d'accrétion et former un gros disque. Eh bien, ça lui permet d'avoir un réservoir qui est beaucoup plus gros que les autres objets, et donc de pouvoir accréter sur un temps très très long et éjecter sur un temps aussi très très long. Alors vous nous suggérez que c'est pas continu en règle générale, hein. C'est des objets qui ont des éruptions, et de temps en temps, celui que vous nous décrivez là par exemple est quelque chose d'assez courant, en tout cas d'assez régulier. Voilà, en fait, même cet objet-là, qui a un réservoir énorme, il est toujours actif, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il est toujours actif, mais il peut être très très violent de temps en temps et beaucoup plus calme à d'autres moments. Mais cela dit, il y a toujours de l'accrétion de matière. Et il y a certains objets pour lesquels on voit en effet ce qu'on appelle des périodes d'activité pendant un certain temps, qui peut durer quelques mois, et puis après ça va s'arrêter, et l'objet devient inactif, ce qui peut durer plusieurs années, et puis après il va reprendre ce qu'on appelle son sursaut ou sa période d'activité pendant quelques mois. Il y a des objets extrêmes pour lesquels on a vu une éruption pendant en gros une journée, ils sont arrêtés et puis après ils sont devenus calmes et 2 ans après de nouveau une éruption et ensuite ils sont revenus calmes. Donc ça dépend vraiment, toutes ces caractéristiques dépendent vraiment de chaque objet, de quelles sont ses caractéristiques au niveau de la masse, de la distance, période orbitale, etc. Et est-ce que le centre galactique vous intéresse plus particulièrement, en remarquant quand même qu'il n'y a pas de trou noir supermassif au centre de la Voie lactée ? Je ne sais pas si c'est tant mieux, mais en tout cas c'est un constat. En fait, il y a un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, au centre de la Voie lactée. Il y a un trou noir qui fait à peu près 3 millions de fois la masse du Soleil. La seule différence avec les trous noirs des autres galaxies qui sont lointaines, c'est qu'on ne voit pas de jet, et il est bizarrement extrêmement calme. Mais il y a un trou noir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a en gros 5-6 ans, hein, le fait qu'il y a un trou noir supermassif. Mais c'est toujours un mystère. Pourquoi est-ce qu'il est si calme ? C'est-à-dire que même quand on l'observe dans les rayons X, on n'arrive pas à trouver de signature d'activité dans ce trou noir-là. Mais on sait qu'il y a un trou noir supermassif. Bon, il ne fait que 3 millions de masse solaire, hein, donc c'est pour ça c'est déjà 3 millions de masse solaire, mais c'est pas, ça, ça, il ne rivalise pas avec les gros trous noirs supermassifs qu'il y a dans les quasars, par exemple. Mais alors, on a pu déterminer sa masse parce qu'on a regardé des étoiles qui tournaient autour, et on s'est rendu compte que plus l'étoile était proche, plus elle tournait vite autour, qu'elles étaient très très accélérées dès qu'elles arrivaient très proches très près du trou noir. Et on a, en fait, c'est de la mécanique céleste toute simple, c'est-à-dire qu'on peut calculer la masse de l'objet qui se trouve au centre dès qu'on a deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Avant de parler des moyens d'observation, qui j'imagine sont assez nombreux pour attraper ce type d'objet, je voudrais comprendre, est-ce que vous êtes physicien, astronome, entomologiste parce qu'on a l'impression que, à la fois, c'est le mode de fonctionnement des étoiles qui vous intéresse, mais en même temps, la matière, son comportement dans l'infiniment petit, puisqu'on parle bien de physique relativiste, de phénomènes quantiques, vous êtes un peu touche-à-tout, là. Mais je crois que l'astrophysicien d'aujourd'hui, il est forcément touche-à-tout. Pour ces objets-là, hein, par exemple, c'est de la physique de haute énergie qu'on est en train de faire. Et c'est en même temps, vous avez raison, c'est en même temps l'étude des étoiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer de comprendre ces objets-là sans comprendre comment une étoile évolue. Il y a des étoiles très spéciales dans la Voie lactée, des étoiles qui sont très très massives, qui justement ont une enveloppe et même des vents qui sont créés à leur surface et qui vont entourer ces objets compacts, qui vont former ce qu'on a vu tout à l'heure, des enveloppes communes. Donc il faut comprendre comment fonctionne une étoile pour arriver à comprendre comment fonctionne un système binaire. Je dirais que c'est plus que doublement compliqué, parce qu'on a deux objets, mais le fait de mettre ces deux objets-là ensemble, ça complique encore les choses, parce qu'il y a des interactions qui sont assez difficiles à compliquer, mais en même temps, ça permet d'étudier vraiment les processus d'accélération, ça permet d'étudier les processus d'accrétion d'une manière qui est unique et qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ces objets-là. Par exemple, il y a des objets sur lesquels, en spectroscopie, donc en analysant la lumière, on arrive à voir des éléments chimiques, des atomes en fait, qui sont assez lourds, comme du fer par exemple, et qui vont être éjectés à des vitesses qui sont relativistes. Je pense à un par exemple, en particulier, où on voit des vitesses de l'ordre de 1 tiers de la vitesse de la lumière. Et c'est surprenant ça ? Ben, c'est très surprenant, parce que ce sont des atomes qui sont très très lourds, et il vous faut un mécanisme d'accélération qu'on n'arrive pas à faire actuellement. On a du mal à accélérer des jets, même formés d'électrons et de positrons, à des vitesses qui sont relativistes. Donc plus vous prenez des atomes qui sont lourds, plus vous avez du mal. Demandez aux physiciens du LHC s'ils vont accélérer des atomes de fer à des vitesses de 1 tiers de la vitesse de la lumière, vous verrez que non. Ils vont demander un supplément d'argent. Mais même avec un supplément d'argent, c'est pas possible. Est-ce que ça peut aussi, comment dire, donner des informations aux gens qui travaillent sur les disques d'accrétion autour des étoiles, pour la formation des planètes, que de regarder justement le comportement de gaz autour d'objets compacts? Alors, ce ne sont pas les mêmes phénomènes exactement. Par contre, la physique est la même. Ce ne sont pas les mêmes phénomènes parce qu'on n'a pas affaire aux mêmes masses, on n'a pas affaire aux mêmes énergies. Mais ce qu'on voit, ce dont on se rend compte, c'est que dès qu'il y a accrétion, il y a éjection de matière. Et ça, on le voit dans les objets où se forment, donc dans les objets stellaires en formation, dans les étoiles en formation, on voit ce qu'on appelle les objets Herbig-Haro, où on voit des disques qu'on appelle d'accrétion, hein, et on voit des jets qui émanent du centre de ces objets-là. Donc il y a accrétion matière, il y a éjection. On le voit dans les naines blanches, on voit dans les étoiles à neutrons, les trous noirs supermassifs. Donc le phénomène d'accrétion, dès qu'il est présent, il permet de former une éjection. Et ça, c'est nouveau. Pour les trous noirs supermassifs, ça fait maintenant bien 40 ans qu'on s'est rendu compte que un trou noir devait être à l'origine de ces éjections-là. Par contre, pour les trous noirs, les petits trous noirs, les trous noirs stellaires qui se trouvent dans notre galaxie, ça fait pas plus de 15 ans qu'on en a découvert et qu'on a vu des jets partir de ces objets. Et en fait, on a compris qu'ils étaient très similaires aux trous noirs dans les galaxies, aux trous noirs supermassifs, à partir du moment où on a vu ce qu'on appelle des jets superluminiques, c'est-à-dire des jets qui vont de la matière qui est en apparence éjectée à des vitesses plus grandes que la lumière. Donc vous allez me dire, c'est pas possible, puisque la théorie de relativiste interdit d'aller plus vite que la lumière. Eh bien, en fait, vous avez complètement raison. Donc ce sont des jets qui sont seulement en apparence superluminiques. Il faut utiliser la relativité restreinte pour arriver à montrer que ce n'est pas le cas, et que dans le référentiel de l'objet, les jets vont bien à des vitesses plus lentes que la lumière. Mais par exemple, typiquement, pour l'un de ces micro-quasars, celui justement qui ne s'arrête jamais, qui est depuis 15 ans, qui continue à être en activité, on voit des jets qui, quand on les mesure sur le ciel, on les voit se déplacer à des vitesses de l'ordre de 1,2 fois la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 20% plus rapide que la vitesse de la lumière. Et quand on fait le calcul, c'est un calcul assez simple, hein, que je fais souvent faire d'ailleurs à mes étudiants, on se rend compte qu'en fait ils vont à 92% de la vitesse de la lumière. Ce n'est qu'apparence. Ce n'est qu'apparence, oui. Et en fait, on avait vu la même chose avec les blazars, ou même avec des quasars, mais c'était souvent des jets qui étaient assez proches de notre ligne de visée, donc qui quasiment venaient vers nous, et par un effet de nouveau dans relativité restreinte, juste le fait que les jets allaient tellement vite qu'ils rattrapaient presque leur rayonnement, eh bien on avait l'impression qu'ils allaient plus vite que la lumière.